Eva Queen. Si tu crois que je suis aveugle, tes préjugés c'est du braille. Même ne me fais plus péter, tu voudrais dans toutes les grailles. Je t'ai laissé du temps, je t'ai laissé des chances. Maintenant bouge-moi, je te fais même le plein d'essence. C'est combien? T'as voulu jouer, crois pas qu'on est quitte. J'appelle mes copines et j'monte une équipe. Tu vas payer pour ce que t'as fait. On est là pour le crime parfait. Ouais, ouais, ouais. Puis tu m'as fait du mal, mal, mal, mal. Tu verras pas mes larmes, larmes, larmes, larmes. Oui, tu m'as fait du mal, mal, mal, mal. Tu verras pas mes larmes, larmes, larmes, larmes. Thank you.